faire ton chemin. Parle-moi de tes sentiments. Les stars arrangent dans une chanson. Avant de voir mes soignants rondons. Te quiero vivir contigo. La peur toujours a été mon copain. Prends ton manteau et descends la rue. Pose-toi une question et cherche la rue.